Ouais ouais ouais ouais. J'fais l'odo, j'fais peur au robinet, ma gueule. Tu me dis que tu m'aimes pour le buzz, trouve pas de ma gueule. T'as toujours le diable si t'as peur de finir seul. J'ai moins peur d'être pauvre que de finir riche. T'as des péchés, vas-y teste et on te les lave. C'est bientôt au moins un tous son déménage. Demi kill d'amener dans la raïta. N'imagine surtout pas que je pimpe ma life. J'ai rêvé, j'en ai des barrettes à mes fans. Nos clips méritent le festival de Cannes. J'vois un beau poster, j'ai le regard qui louche. Nah, y'a un gros popotin qui m'attend dans la douche. J'souffle la fumée, j'souffle la fumée. J'souffre abusé, j'souffre abusé, pense. J'suis dans la fusée, dans la fusée, ouais. Viens m'la, viens m'la, ouais. Laisse. PNL, j'aime. Ces cons sont verts. Ils sont seuls, cher. Ah oula, gros, vite fait. J'emballe, ok. Chica, aïe, gros. Nickel, champagne, pompette. J'kiffe loca. J'ai mis du temps à m'habituer à cette obscurité. Donc j'caresse timidement la lumière par sécurité. Pour sortir de l'impasse, une chaise au fond d'un hall. On est là pour les liasses, amuse-toi, joue ton rôle. Plus tu montes, plus c'est propre. Pour l'instant fais du sale en bas. Ton joli boule refait le décor. Reste pourquoi tu t'en vas. Des lois, c'est sous le sommier. Rien fait de beau dans la vie, j'suis pas premier. La mif à la dalle, j'suis sous le pommier. La jungle attend de voir. Putain de trône, revenir à la maison. Jasmine, Jafar. Deux, trois liasses pour faire effondre ton glaçon. Gag, wesh le zoo. J'cours toujours après les sous. J'parle toujours avec les fous. Et pour l'aimer, j'suis Jackson. J'pense à mes frères qui s'en sortent pas. Gucci resserré sur le sympa. J'suis que la famille quand j'en parle. Allez voir, allez voir. Laisse. PNL, j'aime. C'est pour son vert. Ils sont seuls, j'aime.